يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وسبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه. C'est-à-dire, pourquoi cette sourate elle a été descendue au prophète صلى الله عليه وسلم. Donc le début il dit Abasa wa tawalla. Abasa, ça veut dire faire comme ça, froncer les sourcils. Donc il a froncé les sourcils, wa tawalla, et il s'est détourné. C'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Anja'ahu al-a'ma, parce que l'aveugle lui est venu. En fait, l'explication, c'est qu'il y a un aveugle, ça c'était à la Mecque, c'était avant l'émigration à Médine. Il y a un aveugle qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'intéresser, pour demander sur l'islam. Donc il n'était pas musulman. وجاءه رجل من الأغنياء وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق فمال وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمال فقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال عبس أي في وجهه وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال وما يدريك لعله أي الأعمى يزكى أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة أو يذكر فتنفعه الذكرى أي يتذكر ما ينفعه فيعمل بتلك الذكرى. يعني لما جاءه هذا الرجل الأعمى النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة رجل غني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الغني من أجل ماذا؟ يعني هل هو من أجل المال؟ لا، لكن لأجل تقوية الدعوة الإسلامية. يعني كان يود أن يدخل هذا الغني في الإسلام، لأن هذا الغني إذا دخل الإسلام سوف يقوي الدعوة الإسلامية بجاهه وبماله. فلذلك تولى شيئا ما عن هذا الأعمى، لأن هذا الأعمى ليس بذاك الغني، يعني ليس له جاه مثل جاه هذا الغني ولا أموال مثل أموال هذا الغني وغير ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عبس لما جاءه هذا الأعمى وكان مشغولا بدعوة الغني، عبس يعني هكذا فعل وتولى، تولى عن هذا الرجل الأعمى. فالله سبحانه وتعالى عاتبه، يعني أخذه مؤاخذة يسيرة، فقال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Donc en fait l'explication c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était occupé et assidu en train de prêcher quelqu'un qui était riche. Est-ce qu'il était assidu à ce que ce riche y rentre dans l'islam pour avoir son argent et parce qu'il était riche? C'est pas ça. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui tenait à cœur que la da'wah de l'islam elle soit forte. Donc il aurait aimé que cet homme qui était riche il rentre dans l'islam. Parce que comme ça il aurait pu aider la da'wah, la prêche islamique, par son argent, par sa position dans la société, etc. Donc c'est pour ça que le prophète il était assidu à ce que cet homme y rentre dans l'islam. Et cet homme aveugle, humble et pauvre, il est venu. Donc il l'a un peu occupé, c'est-à-dire il l'a, on va pas dire dérangé, mais il vient lui demander alors que le prophète il était occupé par cet homme riche. Et le prophète ça l'a dérangé. Et il a froncé les sourcils et il s'est détourné de l'homme aveugle. Et Allah l'a repris sur ça. C'est-à-dire, il lui a fait un petit reproche, comme il dit ici le cheikh ici. Un reproche, yassir, pas quelque chose de grave. Mais il l'a repris, pour montrer qu'il doit donner de l'importance même aux pauvres qui viennent s'intéresser à l'islam. Et bien sûr, on répète que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette réaction, elle est venue du fait qu'il voulait que ce riche, il rentre dans l'islam pour renforcer l'islam. C'est pas pour l'argent ou quoi que ce soit. Mais Allah l'a repris, en disant que il aurait pas dû se détourner de cet homme aveugle. Donc abasa wa tawalla wa ma yudrika la'allahu yazakka. C'est-à-dire, il y a un bénéfice dans le fait que tu parles à cet aveugle, c'est que peut-être qu'il va se purifier du shirk, se purifier des mauvais comportements, etc. Ou alors aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Ou alors peut-être qu'il va se rappeler et le rappel lui sera profitable. Donc c'est-à-dire il y a un bénéfice à ce que tu parles à cet aveugle. Et ça, on en retire une grande leçon, c'est que la da'wa islamiyya, c'est-à-dire celui qui veut prêcher sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne vise pas une catégorie précise de gens. Mais la da'a islamia, elle est ouverte à tous. C'est-à-dire, l'islam, il est venu pour tout le monde. Même une personne, contrairement à ce que des gens soi-disant cultivés, ils disent, c'est triste d'entendre ça, ils disent, dans la da'wa, je vais m'occuper du jeune étudiant, mais la vieille grand-mère qui est avec son talisman, elle, je la laisse. Elle meurt comme ça, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est les étudiants, parce qu'eux, ils vont nous ramener quelque chose. Subhanallah al-Azim. N'est-ce pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand son oncle, il était sur le lit de la mort, Abu Talib, il allait tout le temps pour le voir, pour qu'il dise la ilaha illallah. Pourtant, il n'y a plus rien à espérer de lui. Ça y est, il va mourir. Mais malgré ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donnait de l'importance à tout le monde dans la da'wah. C'est-à-dire, si c'est un enfant, un vieux, si c'est une femme ou un homme, si c'est un riche ou un pauvre, tout ça, c'est pas important. Parce que ce qui est voulu par là, c'est que les gens, ils rentrent dans l'islam. Donc la da'wah, elle ne doit pas être spécifique à une certaine catégorie qui doit être visée seulement. Les étudiants, ou alors seulement les enfants des musulmans, ou seulement ceux qui ont de l'argent, etc., etc. La da'wah, elle doit être ouverte à tout le monde. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليق الواجب وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه فإنه لا ينبغي لك فإنه ليس عليك أن لا يزكى فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر يعني لا يهمك لا يضرك إن لم يتزكى هذا الغني. Donc ensuite il dit, ça c'est un grand but, le fait que la personne elle se rappelle, et c'est pour ça qu'Allah il a envoyé les messagers, et c'est pour ça que les gens ils font des exhortations, pour que les êtres humains ils se rappellent. Donc tu dois te tourner, donc là c'est comme si Allah parle au prophète en disant, tu dois te tourner vers celui qui vient et qui veut la science et qui veut apprendre. Tu dois lui donner de l'importance et ne pas se détourner de lui. Et alors que le riche, et ne pas prêter spécialement attention à ce riche qui à la base n'est même pas venu de lui-même et qui ne cherche pas à comprendre et qui ne cherche pas à savoir, en te détournant de celui qui voudrait chercher la connaissance. Donc la bonne voie à suivre, c'est que celui qui demande, au contraire, c'est à lui qu'on va donner de l'importance, contrairement à celui qui se détourne. Même si celui qui se détourne, c'est un riche. Et ensuite, il lui a dit, وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ. C'est-à-dire, en plus, ça ne te nuit pas si cet homme ne se purifie pas. C'est-à-dire, si cet homme riche, il ne rentre pas dans l'islam, pour toi, ça ne t'importe pas. Ça n'est pas un mal pour toi. فَدَلَّ هَذَا عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ يعني انظر الشيخ هنا يستنبط قاعدة من هذه السورة أو من أول أو من الآية الأولى من هذه السورة لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم أو لا تترك مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة يعني لا تترك الأمر المتحقق الذي فيه فائدة ومصلحة يعني مصلحة متحققة ستحصل يقينا لا تتركها من أجل أمر ربما يحصل وربما لا يحصل. Donc Cheikh il a tiré une grande règle de cette sourate. Il a dit en tout cas que cette sourate c'est une des preuves de cette règle. Cette règle elle dit, on ne délaisse pas quelque chose qui est connu pour quelque chose qu'on s'imagine. Et on ne délaisse pas un bénéfice qui est réel pour un bénéfice qu'on s'imagine. C'est-à-dire, par exemple, on doit agir dans un bien. Et on a deux buts qui sont visés. On a un but, on sait que si on fait un effort dedans, il va se réaliser. Et on a un autre but, peut-être il est mieux, mais on ne sait pas, peut-être il ne va pas se réaliser, c'est difficile. Donc ça c'est ma'ouhum, on s'imagine que ça va arriver, mais on n'est pas sûr. Et celui-là il est mutahakik, c'est-à-dire il est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va délaisser celui qui est sûr pour celui qui peut arriver, même si celui qui peut arriver il est mieux? Non, on prend ce qui est sûr. C'est-à-dire on prend le bénéfice qui est assuré. Ça c'est quelque chose que la personne elle peut appliquer tous les jours dans sa vie et même dans la da'wa. Dans la da'wa ou dans comment on gère une mosquée, etc. etc. La personne elle s'assure que quand elle a deux buts, deux bénéfices Mais il y en a un qui est moins que l'autre, mais celui-là il est sûr. Alors que l'autre qui est mieux, il n'est pas sûr. Elle prend ce qui est sûr. Au moins elle retire un bénéfice dans sa vie ou dans sa religion. Alors que peut-être elle va se lancer dans l'autre, et il peut arriver, il ne peut ne pas arriver. Parce qu'ici, en fait, d'où il a tiré ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était devant deux khayr, deux biens. Le riche, mais le riche lui, il n'a pas cherché à comprendre. C'est le prophète qui est allé vers lui. Donc le fait qu'il rentre dans l'islam ou qu'il y rentre pas, peut-être qu'il va rentrer, peut-être qu'il va pas rentrer. C'est vrai que s'il rentre, il ramène plus de biens par son argent à l'islam. Et l'aveugle, qui est pauvre, mais lui, on sait qu'il va se convertir et qu'il veut apprendre. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On assure, on donne plus d'importance à celui-là, quitte à délaisser l'autre. On ne délaisse pas celui dont on est sûr qu'il va se convertir pour un autre dont on n'est pas sûr. وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. Donc il dit aussi on doit se tourner et donner de l'importance au talibain, c'est-à-dire celui qui veut la science, qui cherche la connaissance, on doit lui donner de l'importance plus qu'à d'autres, plus qu'à celui qui ne cherche pas à comprendre. ثم يقول كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره يعني الآيات. يقول تعالى كلا إنها تذكرة أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يعني السورة هذه تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره أي عمل به كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره يعني فمن شاء فليستفيد من هذه التذكرة وليتذكر ولينتفع بها ومن لا يريد فهذا عليه يعني لمن لا يريد أن يهتدي فكما قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يعني هذا من الوعيد أن يقول الله سبحانه وتعالى فمن شاء ذكر ومن شاء فليترك وليكفر ولكن ليعلم أنه متوعد بالنار وبالعذاب. Donc ensuite le verset dit كلا إنها تذكرة, c'est-à-dire ceci est un rappel. Donc celui qui veut qu'il se rappelle, c'est-à-dire celui qui veut qu'il agisse et qu'il profite de ce rappel. C'est comme dans un autre verset où Allah dit donc dit la vérité vient de votre Seigneur, donc celui qui veut qu'il croit et celui qui veut qu'il mécroit. C'est-à-dire que la personne, l'être humain, il a le libre choix, le libre arbitre. Mais, comme Allah le dit dans le deuxième verset qu'il a cité chez ici, qui n'est pas dans Surat Abasa, qu'est-ce qu'il a dit après? Sachez, donc nous avons préparé aux injustes un feu. C'est-à-dire Allah dit, celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroit. Ça c'est une certitude, que l'être humain, il a le libre arbitre. Allah lui a montré le bien, il lui a montré le mal, et c'est lui qui choisit. Mais qu'il sache que s'il choisit le mal, alors il est promis à l'enfer et il est promis au châtiment. Donc ça aussi, ce verset, on peut en retirer que il fait partie de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a dans le chapitre du Al-Qadr, le destin, c'est que l'être humain il a ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire il choisit. S'il veut faire le bien, il fait le bien, et s'il veut faire le mal, il fait le mal. Et il n'y a personne qui le contraint. Il n'est pas, comme on dit, mujbar. Il n'est pas contraint. Il n'est pas comme un robot téléguidé. Mais il choisit. S'il veut faire salat, il fait salat. S'il ne veut pas la faire, il ne la fait pas. S'il veut travailler, faire des études, ça c'est même dans la vie de tous les jours. Travailler, faire des études, et être quelqu'un de propre et de respectable, il choisit. S'il veut vendre de la drogue, et voler, et braquer, il choisit. C'est-à-dire la personne, elle a le libre arbitre. Mais il faut, en même temps, tout ce qu'on fait, Allah l'a écrit. Et il le savait déjà, il l'a écrit et il l'a destiné. Donc c'est comme ça qu'on allie les deux choses. Tout ce qu'on fait, on le choisit, mais Allah le savait déjà ce qu'on allait faire et il l'a déjà écrit, parce qu'il savait ce qu'on allait faire. Et on croit aussi qu'Allah guide et égare. Il guide les gens et il égare. Mais il égare celui qui s'égare. Comme Allah dit dans le Coran, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال في صحف مكرمة. يعني هذه التذكرة القرآن أو هذه السورة في صحف مكرمة مرفوعة، يعني مرفوعة القدر والرتبة، مطهرة يعني مطهرة من الآفاق، وعن تنالها أيدي الشياطين وأن يسترقوها. يعني القرآن الذي في السماء لا يمسه الشياطين. بأيدي سفرة، سفرة جمع سافر مثل السافر يعني لامباسادور، سفرة وهم الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين عباده. كرام، كرام برارة، كرام أي كثير الخير والبركة، برارة بررت قلوبهم وأعمالهم، برارة يعني مطيعين لله سبحانه وتعالى. Ensuite Allah il a dit à propos de cette, justement de cette tadhkira qui est cette sourate ou qui est le Coran, fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara, c'est-à-dire ce rappel il est dans des feuilles nobles qui sont élevées, c'est-à-dire dont la position est élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont pures. Pures parce que notamment les shayatins n'y ont pas accès. Les shayatins ne peuvent pas prendre les feuilles ou le livre qui contient le Coran dans les cieux. Ils ne peuvent pas les toucher. Bi'aidi safara, qui sont entre les mains d'ambassadeurs. Safara, c'est les ambassadeurs. C'est qui les ambassadeurs? Ce sont les anges, qui sont les ambassadeurs d'Allah, entre Allah et ses êtres humains. Parce que c'est eux qui transmettent notamment le message. Et il les a qualifiés les anges en disant kiramin barara, ils sont nobles, c'est-à-dire ils sont pleins de bien et de baraka. Barara, c'est-à-dire qu'ils ont des cœurs et des actes pieux, ne connaissent pas le péché et la turpitude. وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا ولهذا قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره. Donc il dit tout ça, ça fait partie de la protection d'Allah pour le Coran qu'il l'a mis en deux au ciel entre les mains des anges dans des feuilles purifiées et que les shayatins ne peuvent pas le toucher. Et il l'a mis dans les mains des anges qui sont des anges, c'est-à-dire des créatures qui sont fortes. Allah leur a donné toute capacité pour ce qu'ils doivent faire. Et ça implique qu'on croit justement à ce Coran et qu'on l'accepte. Mais malgré ça, l'être humain, il veut pas y croire. C'est pour ça que les versets d'après vont parler de la mécréance des êtres humains. Donc il dit qutila al-insanu ma akfara. Ma ma'na ma akfara hadha ta'ajjub. Yani comme il est mécréant, comme il renie. Idhan yaqulu ta'ala qutila al-insanu ma akfara. Yani ma akfarahu li ni'matillah wa ma ashadda mu'anadatuhu lil haqqi ba'dama tabayyan wa huwa ma huwa min adhaf al-ashya' khalaqahu Allah min ma'in mahin thumma qaddara khalqahu wa sawwahu basharan sawiyya wa atqana qawwahu adh-dhahira wal-batina. Donc le verset il dit qutila al-insanu ma akfara. Qutila al-insan, c'est comme si on disait que l'être humain soit tué. C'est-à-dire c'est comme un blâme contre l'être humain. Ma akfara, c'est-à-dire comme il est kafir. Kafir, c'est-à-dire c'est pas seulement mécréant. Kafir, c'est kafirun ni'ma, c'est-à-dire il renie les bienfaits. Il est pas reconnaissant. Donc c'est-à-dire comme l'être humain il renie beaucoup les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'être humain, il repousse beaucoup la vérité, il la renie, après qu'elle lui soit parvenue. Alors que le shir dit ici, qu'est-ce qu'il est l'être humain? L'être humain, c'est une des créatures les plus faibles. Allah, il l'a créé à partir d'un liquide, un liquide, et après il l'a créé, et il en a fait un être humain droit. Et il lui a donné ses forces intérieures et extérieures. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est l'être humain, pour s'enorgueillir? Alors que tous les jours on voit des personnes, elles sont touchées de maladies, tous les jours des personnes, elles sont touchées de la mort, et que c'était, alors que c'était des sportifs, c'était des gens qui étaient en bonne santé, c'était des gens qui étaient riches. Mais malgré ça, personne n'est épargné. Ça montre la faiblesse de l'être humain. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il était au départ? Si ce n'est qu'une goutte de liquide qui est rentrée dans la matrice, et Allah en a fait un être humain. Donc l'être humain doit se rappeler comment Allah Azza wa Jalla l'a créé à partir de rien, pour rester modeste, pour rester humble envers Allah subhanahu wa ta'ala. Min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara Donc ensuite les versets disent à partir de quoi Allah l'a-t-il créé? Il l'a créé à partir d'une goutte, faqaddara, et il l'a déterminé, c'est-à-dire il a perfectionné sa création. Thumma as-sabila yassara, et ensuite il lui a facilité le chemin. Donc le cheikh ici il explique thumma as-sabila yassara, c'est-à-dire Allah lui a facilité le chemin. Ay yassara lahu al-asbab ad-diniyata wad-dunyawiyya wa hadahu as-sabil wa bayyanahu wa imtahanahu bil-amri wan-nahy. C'est-à-dire qu'Allah il a montré le chemin aux êtres humains. Il lui a montré le chemin du bien et le chemin du mal. Et il l'a éprouvé en lui donnant des ordres et en lui interdisant des choses. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ. Ensuite il le fait mourir et il le met dans une tombe, il l'enterre. أي أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض. C'est-à-dire qu'Allah il a honoré l'être humain puisque l'être humain il est enterré. Alors que les autres êtres comme les animaux, leurs cadavres ils restent comme ça. On ne voit pas un chien, il creuse un trou pour mettre son camarade dedans. Ni un chat, ni une vache, ni personne. Mais Allah il a honoré l'être humain. Et si on en suit l'enseignement islamique, le premier qui a enterré l'autre c'est qui? C'est dans Surat Al-Ma'ida, dans les fils de Adam. Quand Allah il a envoyé Allah il a envoyé un oiseau pour lui montrer, Al-Ghurab, pour lui montrer comment enterrer son frère. Donc contrairement aux occidentaux ou aux athées qui disent que le fait d'enterrer les morts c'est venu bien après et c'était basé sur des croyances, etc. Ça c'est faux. C'est-à-dire le fait d'enterrer, les fils de Adam ils l'ont fait. Et les fils de Adam ils étaient muwahhidin, c'est-à-dire ils adoraient Allah seul, sans lui associer quoi que ce soit. ثم إذا شاء أنشره يعني بعد موته بعد أن أقبره إذا شاء أنشره أخرجه بعثه أي بعثه بعد موته للجزاء. الجزاء يعني الحساب والدين. فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف لم يشارك فيه مشارك يعني في كل هذه الأشياء الخلق الإماتة البعث كل هذه الأشياء الله ينفرد بها لم يشارك فيه مشارك وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقضي ما فرضه الله عليه بل لا يزال مقصرا تحت الطلب يعني لذلك يقول في هذه الآية كلا لما يقضي ما أمره يعني لم يقضي ما أمره بعد إلى الآن لم يقضي ما أمر به. Donc, ثم إذا شاء أنشره, c'est-à-dire quand il le voudra, il le ressuscitera, il le ressortira. Comme il l'a mis sous terre, il le ressortira. Pour al-jaza, c'est-à-dire pour être récompensé pour ce qu'il a fait de bien et pour être châtié pour ce qu'il a fait de mal. Donc Allah c'est le seul qui s'occupe de l'être humain et qui le gère de tout, avec toutes ces choses-là. Il n'a personne qui est associé avec lui dans ces choses-là, dans le fait que c'est lui qui a créé l'être humain, qui le fait grandir, qui le met sous terre, qu'il le ressuscite, etc. Mais malgré ça, l'être humain, donc le verset d'après, qu'est-ce qu'il dit? Après qu'Allah il ait montré toutes les étapes, c'est-à-dire il l'a créé d'une goutte, etc. Il lui a facilité le chemin, après il le fait mourir, il le met sous terre, il le ressuscite. Kalla lamma yaqdi ma amara. Mais malgré ça, l'être humain n'a pas encore accompli ce qui lui a été ordonné. C'est-à-dire il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de toutes ces choses qu'Allah lui a fait. ثم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له. Donc après Allah, donc d'autres versets, maintenant les versets vont parler de la nourriture. Donc Allah va montrer à l'être humain qu'il y a un signe même dans sa nourriture. Et on peut mentionner notamment, avant de rentrer dans le tafsir, que la nourriture, la religion islamique, c'est la première religion à respecter la nourriture. C'est-à-dire il y a des chapitres complets sur ta'am, sur comment manger, sur ce qui est halal de manger, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose d'important dans la religion, ça fait partie des comportements. Notamment d'abord comment manger, et le fait de manger à partir du licite, et le fait que certaines choses sont interdites, d'autres sont licites, le fait que les bêtes elles doivent être égorgées en prononçant le nom d'Allah, tout ça, ça montre qu'Allah il a donné une importance au fait de se nourrir. C'est-à-dire que le musulman ne se nourrit pas comme les animaux ou comme ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. il mange et ils font pas attention à ce qu'ils mangent ni comment ils mangent, et ils remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala et ils en tirent pas de leçon. Alors que le musulman, n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pour une date, il disait, il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala quand il mangeait, ne serait-ce qu'une date. N'est-ce pas que quand il était avec un enfant autour d'un plat, il lui a dit, Ya Ghulam, Sammillah, Wakul biyaminik, Wakul mimma yalik. Il lui a dit, ô enfant, dis bismillah, et mange de ce qui est devant toi, et mange par ta main droite. Donc il a montré différentes choses à respecter. Et aussi, l'islam, il a aussi interdit le gâchis et les excès. Et aussi le fait de ne pas manger assez. C'est-à-dire, l'islam, il est dans le juste milieu à ce niveau-là. Comme Allah, il a dit à propos de Ibad al-Rahman. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَقْتُرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ceux qui, quand ils dépensent, ils ne font pas d'excès et ils ne sont pas non plus avares, mais ils sont entre les deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, il a dit aussi que quelques bouchées, ça suffit à l'homme pour rester droit, c'est-à-dire entre guillemets, pour yuqimu biha dhahrahu, c'est-à-dire pour que il reste en vie et qu'il soit en bonne santé. Donc l'islam, il a même montré que la meilleure des santé, elle est basée sur le fait de manger peu, de pas commettre d'excès dans la nourriture. Ça, c'est la base de la santé. Parce que la plupart des maladies, elles viennent du ventre, à cause des excès notamment. Donc en tout cas, la nourriture dans l'islam, elle est considérée comme un des signes et un des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne, donc, pour remercier Allah vis-à-vis de la nourriture qu'Allah lui donne, il doit respecter les différents comportements à suivre lorsqu'on mange, comme les différents comportements qu'on a cités, et aussi le fait de remercier Allah par le dhikr qui a été cité dans la sunna après chaque repas. Et même si son repas ou son goûter ou quoi que ce soit ou son anka, il est minime à ses yeux, mais il doit considérer que c'est quelque chose qu'Allah lui a destiné et qui va lui bénéficier à son corps par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi il doit respecter le fait, comme on a dit, de ne pas commettre d'excès dans la nourriture et de ne pas non plus chercher à jouer les assets en donnant à son corps ou à sa femme moins que ce qu'il a besoin. Donc là il a dit ensuite, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Donc c'est des versets qui parlent de, Allah nous montre les étapes. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا, c'est-à-dire comment nous avons fait descendre de l'eau, nous avons versé l'eau, sabba, c'est-à-dire en grande quantité. Cette eau par laquelle les êtres humains y vivent, et leurs animaux aussi, et aussi par lesquels les choses elles poussent pour qu'on puisse les manger. Et ensuite on a fendu la terre, c'est-à-dire pour que la plante ou le légume y puisse pousser. Donc nous y avons planté une graine. Et le raisin. Le qadb, donc j'ai trouvé que c'était la luzerne. Et même dans le tafsir, j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire. Al-qadb. J'ai trouvé la luzerne, j'ai trouvé les légumes. Donc Allahu a'lam. Wa qadba wa zaytunan wa nakhla. Et les oliviers et les dattiers. Donc le cheikh dit dans l'explication, anzalna al-matara 'ala al-ardi bi kathra. Donc on a fait descendre l'eau de sur la terre en grande quantité. ثم شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية. Et on a fait pousser sur cette terre beaucoup de sortes de végétaux que les gens ils aiment, des fruits et des légumes que les gens ils aiment. وحب وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها. Et la graine, toutes les sortes de graines. وعنبا وقضبا وهو القط وزيتونا ونخلا وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها. Et le cheikh dit qu'Allah a spécifié et a mentionné ces quatre-là, c'est-à-dire le qadb, et aussi l'inab, le raisin, et les olives, et les dattes, parce qu'elles ont beaucoup de bénéfices. Elles sont très bénéfiques pour l'être humain et pour sa santé. وحدائق غلبة أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة. Et il dit aussi حدائق غلبة, c'est-à-dire des jardins qui sont remplis d'arbres, qui font plaisir à voir. وفاكهة وأبا، الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام. Donc وفاكهة وأبا، الفاكهة il dit c'est les choses que l'être humain il prend délice à manger. Ce sont les fruits, comme les raisins. Il dit le chir, les raisins, comment on dit en français, tine, les figues, ouais. Les figues, les pêches, les comment s'appelle, les grenades, etc. Et l'ab, c'est ce que mangent les animaux. C'est-à-dire les animaux que notamment l'être humain possède. ولهذا قال متاعاً لكم ولأنعامكم. C'est pour ça qu'il a dit à la fin, متاعاً لكم, c'est une jouissance pour vous, ولأنعامكم, et pour vos bêtes, les bêtes que vous possédez. أنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق بأخباره. Donc le cheikh dit en fait qu'est-ce qu'on retire de cette leçon, c'est que celui, donc d'abord il a dit أنعامكم, c'est-à-dire vos bestiaux qu'Allah a créés et qu'il a soumis pour vous. Donc celui qui regarde tous ses bienfaits. Donc là, ne serait-ce que le bienfait de la nourriture et des choses qui poussent, ça va lui imposer de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et d'être reconnaissant envers son Dieu et de faire des efforts pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, al-inaba, c'est-à-dire de revenir vers Allah, vers l'obéissance d'Allah, et aussi de se tourner vers al-ta'a, c'est-à-dire les actes d'adoration et les actes d'obéissance, et de croire à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الآية أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال لسالف الأعمال. Donc ensuite il a dit فإذا جاءت الصخة. الصخة ça va du verbe sakha, c'est comme quand une pierre elle dégringole, elle fait du bruit, un bruit fracassant. Ou alors on dit sakha al-asma, c'est-à-dire elle assourdit l'ouïe. Donc sakha c'est le cri, le bruit qu'il y aura au jour du jugement, qui va assourdir les gens, qui va les étourdir. Donc quand ça viendra, donc c'est-à-dire ce bruit qui va assourdir l'ouïe des gens, et qui va troubler leur cœur ce jour-là, parce que les gens y verront l'ahwal, c'est-à-dire les malheurs du jour du jugement et la difficulté et leurs besoins qu'ils ont aux actions qu'ils auraient dû faire dans la vie précédente. Donc à ce moment-là, ils seront troublés et étourdis. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ إِلَيْهِ وَأَشْفَقَهُمْ لَدَيْهِ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يعني يشغله ويكفيه. Donc ensuite il a dit le jour où l'homme se sauvera. Se sauvera, le cheikh dit, c'est-à-dire il va sauver des gens qui lui sont les plus chers. Et Allah il a dit dans ce verset, il se sauvera de son frère, il se sauvera de sa mère, de son père et de sa femme et de ses enfants. Pourquoi ? Parce que le verset d'après il dit, ce jour-là, chacun d'entre eux aura sa situation qui le préoccupe, qui lui suffit. C'est-à-dire, chaque personne sera tellement préoccupée au jour du jugement par son compte à lui, et par ce qui va lui arriver, que même sa mère et son père, il ne va pas leur donner attention, il ne va pas leur donner d'importance, et il ne va pas s'occuper d'eux. C'est-à-dire que même ta propre mère, pour qui tu ferais tout maintenant, ici-bas, enfin, j'espère en tout cas que vous ferez tout pour vos mères, parce que c'est comme ça que musulman il doit être. Celle pour qui tu ferais tout, au jour du jugement, même si elle pleure et elle te demande, tu feras rien pour elle. Tellement la préoccupation de ce jour, c'est-à-dire tout ça, ça nous montre la grandeur et la gravité de la situation au jour du jugement. Au point où l'homme il délaisse les gens qui lui sont les plus chers. لكل امرئ يومئذ منهم يومئذ شأن يغنيه أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة يعني قال بعد وجوه يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة ومما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم. مسفرة يعني حسنة منورة. لماذا؟ لأنهم الآن يرون يعني أنهم سوف يدخلون الجنة ويكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من النعم. ضاحكة مستبشرة، ضاحكة يعني هذا مفهوم. ووجوه يعني وجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي تغشاها قترة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة، قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها. Donc ensuite Allah a dit dans ce jour, وجوه يومئذ مسفرة. Ce jour-là, il y aura des visages مسفرة. C'est-à-dire, ils seront illuminés, ils seront réjouis. Pourquoi ? Parce qu'ils verront leur récompense et qu'ils vont entrer au paradis. ضاحكاتون مستبشرة. ضاحكا, c'est-à-dire, ils riront. Ils rigoleront. مستبشرة, c'est comme le visage de quelqu'un à qui tu annonces une bonne nouvelle. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. C'est-à-dire couverts de poussière et sombres. C'est-à-dire leurs visages ils seront noircis à cause du désespoir qu'ils auront quand ils verront leur châtiment. Et parce qu'ils désespéreront de tout bien. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك يعني الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآية الله وتجرأوا على محارمه. Donc il a dit à propos de ceux dont les visages y seront assombris à cause de leur châtiment et de leur désespoir, أولئك هم الكفرة الفجرة. Ceux-là sont les mécréants et الفجرة. الفجرة, c'est-à-dire les pervers ou les désobéissants. Et le Cheikh il dit, c'est-à-dire c'est ceux qui ont renié le bienfait d'Allah. Parce que le kufr, ça peut être. En fait, le kufr à la base dans la langue arabe, c'est-à-dire cacher quelque chose. C'est pour ça à la base, le kafir dans la langue arabe, notamment c'est le cultivateur. Quel rapport entre kafir et cultivateur ? Parce que le cultivateur, il cache une graine dans la terre. Donc les arabes, ils l'ont appelé kafir. Et il y a un verset du Coran où le mot kuffar, il veut dire les cultivateurs, il ne veut pas dire les mécréants. Yu'jibul kuffara nabatu. C'est ça le verset ? Yu'jibul kuffara nabatu. C'est-à-dire les kuffars, et ici ça veut dire les cultivateurs, sont étonnés de la graine qu'ils plantent, comment elle pousse. Donc il y a un verset du Coran, ça faut savoir, où le mot kuffar, il veut dire les cultivateurs, il ne veut pas dire les mécréants. Donc le kuffar aussi, ça peut être soit de mécroire, et ça peut être aussi ce qu'on appelle kuffar ni'ma. Donc les kafirines, ils ont les deux. C'est-à-dire, ils ont mécru. C'est pour ça le shir, il explique ici en disant ceux qui ont renié le bienfait d'Allah et qui ont démenti les versets d'Allah. Parce que le kufr, ça englobe de renier, dans le sens je ne crois pas, et ça englobe aussi le fait de renier les bienfaits. C'est-à-dire de ne pas être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah. Ça aussi, ça s'appelle al-kufr. Comme quand le prophète a dit à propos des femmes, sallallahu alayhi wa sallam, yakfurna al-ashir. Ça ne veut pas dire qu'elles mécroient à leur mari, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'elles sont ingrates, elles ne sont pas reconnaissantes envers leur mari. Et Cheikh, pour conclure, il dit « Nas'alullah al-afa wal-afiyah, innahu jawadun karim walhamdulillahi rabbil alamin. » Donc on s'arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui.